Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Adorateur d'Allah, il ne convient pas d'être nonchalant et de se relâcher face à cette science et à cette religion. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. En effet, il est possible qu'une personne ne réponde pas à cette obligation religieuse par simple paresse. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Donc soyez assidus et fermes dans l'obéissance d'Allah. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. La flémardise est une caractéristique des hypocrites. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Serviteur d'Allah, cette religion nécessite de la fermeté, de la véracité, ainsi que de l'assiduité. Sermon numéro 13, al-ijtihad fi at-ta'a, l'assiduité dans l'adoration d'Allah. Donc prenez garde contre la fainéantise et la paresse lors de sa mise en pratique. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله toutes les louanges sont à Allah, nous le louons. Implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. « Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. » Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint, et ne mourrez qu'en étant soumis. « Ya ayyuhannasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. » Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres, et craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il vous corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Ceci étant dit, ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. C'est par miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux, ô toi Muhammad. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient certainement enfuis de toi. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui lui font confiance. Et il a dit Azza wa Jalla: La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina udul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azm al-umur. Vous serez certainement éprouvés dans vos biens et vos personnes, et vous entendrez aussi de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ainsi que de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous endurez et faites preuve de piété, ce sera alors là la meilleure résolution à prendre. Il a également dit Azza wa Jalla: Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tastajil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Patiente comme ont patienté les messagers les plus fermes et les plus endurants, ô toi Muhammad, et ne te presse pas de les voir subir leur châtiment le jour où ils verront ce qui leur avait été promis comme châtiment. Il leur semblera alors n'être resté sur terre qu'une heure d'un jour. Ceci est une annonce. Qui sera donc anéanti sinon les gens pervers? Et Allah tabarak asmuhu a évoqué dans son livre, c'est-à-dire le Coran, que Luqman alayhi salam recommanda à son fils d'une exhortation éloquente. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit à son sujet: Ya bunay, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al-umur. Luqman dit à son fils: ô mon enfant, accomplis la salat, c'est-à-dire la prière, commande le convenable, interdit le blâmable et endure avec patience sur ce qui t'arrive. Telle est la résolution à prendre dans toutes les affaires. Il est ainsi exposé à travers ces preuves tirées du livre d'Allah Azza wa Jal les éloges quant au fait d'être résolu et ferme dans toutes ses affaires. Ô vous les gens, la fermeté et la constance dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala font partie des caractéristiques des envoyés, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé. Et l'imam muslim a rapporté dans son recueil de récits authentiques, dans le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, et dans tous les deux il y a du bien. Convois ce qui t'est profitable, implore le secours d'Allah et ne te rends pas incapable d'accomplir de bonnes œuvres. Et si un mal venait à te toucher, ne dis pas: si seulement j'avais fait ceci, il ne se serait pas passé cela. Mais dis plutôt: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَهُ, c'est-à-dire: tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Et notre preuve dans ce récit est: le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, et dans tous les deux il y a du bien. Qu'on voit ce qui t'est profitable. Ainsi, la paresse dans l'obéissance d'Allah et l'absence d'assiduité et de sérieux dans la pratique de son culte, que cela concerne l'accomplissement d'actes d'adoration ou le fait d'étudier la religion islamique ou d'autres encore parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commandé de faire, eh bien cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Ce dont Allah azza wa jalla a dit à leur sujet: Innal munafiqina yukhadi'un Allah وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes, et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils ne se lèvent qu'avec paresse et ostentation envers les gens, et ils n'invoquent Allah que peu. Et Allah Azza wa Jalla a aussi dit: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Et lorsqu'une sourate est révélée en leur commandant de croire en Allah et de lutter en compagnie de son messager, les gens parmi eux qui ont les moyens d'aller combattre te demandent alors de les dispenser de participer au combat, et ils disent: laisse-nous avec ceux qui restent. Ils ont ainsi agréé de rester avec ceux qui sont restés à l'arrière et ne sont pas partis au combat. Leurs cœurs ont été ainsi scellés et ils ne comprennent rien. Et Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète Moussa alayhi salam: wa katabna lahu fil alwah min kulli shay maw'idatan wa tafsilan li kulli shay fakhudha bi quwwa wa'mur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum dar al fasiqin sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al haqq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila al rushd la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Et nous écrivîmes pour lui, c'est-à-dire Moussa, sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, un exposé détaillé, c'est-à-dire la Torah. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'appliquer ses commandements de la meilleure des façons. Je vous ferai bientôt voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre injustement, ceux-là même qui, si leur est montré les miracles, ils n'y croient pas, et qui, s'ils voient le chemin droit, ils ne l'empruntent pas, mais qui, lorsqu'ils voient les chemins de l'égarement, ils les prennent comme sentiers, cela parce qu'ils traitaient nos preuves et nos signes de mensonges et qu'ils n'y accordaient aucune attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit à son prophète Yahya alayhi salam: Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Ô Yahya, cramponne-toi fermement au livre, c'est-à-dire la Torah, et nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Serviteur d'Allah, il y a une chose qui s'est beaucoup propagée chez les gens en rapport avec leur engourdissement dans leur pratique de la religion, que cela soit au niveau des actes d'adoration ou du tawhid, le fait de ne vouer le culte qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans d'autres domaines en rapport avec la religion, que ceux-ci, c'est-à-dire les gens, se sont reposés et que leurs cœurs se sont orientés vers des personnes qui leur prodiguent des pseudo-facilités juridiques et excuses des fatwas, même si celles-ci seraient invalides et vaines. En effet, ces égarés émettent des avis juridiques dans le soi-disant but de faciliter aux musulmans la pratique de leur religion, quand bien même ces fatwas auraient été mises avec passion contredisant les textes religieux. Alors que Aïcha radhiyallahu anha a dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam: il n'y avait pas deux actes sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne choisisse le plus souple et le plus facile des deux, tant qu'il n'y avait pas de péché. Mais s'il y avait un péché, c'était alors la personne la plus éloignée de son accomplissement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعْ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Celui qui guide vers la vérité n'est-il pas plus digne d'être suivi? Ou bien est-ce celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Et il a de même dit Azza wa Jalla: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Et nous savons certainement que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que devienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Allah Azza wa Jalla savait parfaitement que son prophète allait être éprouvé et allait subir des préjudices de la part des polythéistes et des hypocrites, mais il lui a malgré cela ordonné de faire preuve de fermeté ainsi que d'être constant dans ses actes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais certainement failli pencher vers eux un peu. Nous t'aurions alors fait goûter doublement le supplice de la vie et le supplice de la mort. Et tu n'aurais ensuite pas trouvé de secours face à nous. Et Allah Azza wa Jalla a aussi dit « Ya ayyuhal muzzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'an tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, inna laka fi an-nahari sabhan tawila, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. » Ô toi le revêtu de vêtements, c'est-à-dire Mohammed, lève-toi pour prier une partie de l'ennemi, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement, comme il t'a été révélé. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus propice à la concentration, ainsi que pour la récitation du Coran, et tu as dans la journée un temps long, afin de vaquer à tes occupations, et invoque le nom de ton Seigneur, et consacre-toi pleinement à son adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est ainsi dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est orienté vers lui. Car plus l'être humain s'oriente et se dirige vers Allah par le biais d'accomplissement d'œuvres pieuses, plus Allah azza wa jalla se rapproche de lui. Et ceci a certes été établi dans le récit de Anas ibn Malik radiallahu anhu, rapporté dans le recueil du récit authentique d'Al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, d'après son Seigneur qui a dit, celui qui se rapproche de moi d'un enfant, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui hâtivement. Et l'ange Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est descendu auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la révélation du début de la sourate Iqra, il lui dit, récite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ainsi, je ne sais pas réciter. C'est-à-dire, je n'ai pas la capacité de bien réciter le Coran. L'ange Jibril, alayhi salam, lui répéta, récite. Il lui répondit, je ne sais pas réciter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il me saisit, c'est-à-dire Jibril, et m'enveloppa jusqu'à ce que je perdis mon souffle. Puis il me dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est très noble, celui qui a enseigné le kalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Adorateur d'Allah, il ne convient pas d'être nonchalant et de se relâcher face à cette science et à cette religion. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, demandez refuge auprès d'Allah contre cela. Ainsi, dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre l'incapacité et la paresse, et je me réfugie auprès de toi contre la lâcheté et l'avarice, ainsi que contre la décrépitude, c'est-à-dire l'extrême état de vieillesse. Ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demandait refuge auprès d'Allah contre ces choses. En effet, il est possible qu'une personne ne réponde pas à cette obligation religieuse par simple paresse. Que dire alors de l'accomplissement d'actes surérogatoires? La flémardise est une caractéristique des hypocrites. Il en est de même pour la lâcheté qui conduit l'individu à se taire lorsqu'il faut dire la vérité. Et pareillement l'avarice qui rend l'individu incapable d'honorer ses invités ou d'exécuter ce qui lui est obligatoire ou préférable. Et tout ceci n'est dû qu'à l'instabilité de l'être humain, ainsi qu'à son manque de fermeté dans sa pratique de la religion. Car la fermeté est en réalité un bien pour lui. Donc soyez assidus et fermes dans l'obéissance d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit à Moussa, Farudha bikhuwa, prends-les donc fermement, c'est-à-dire les tablettes de la Torah. Donc soyez fermes et constants dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et prenez garde de vous engourdir dans son adoration Azza wa Jalla, que cela concerne l'étude de la religion ou toute autre œuvre pieuse, ou bien encore le fait de se repentir ou de se détacher des péchés et de s'en éloigner, et aussi de ne pas se laisser aller à retourner vers cela. Wallahu musta'an. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut le garer, et celui qui les garde, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager, ceci étant dit. Il a été établi dans le recueil de récits authentiques de Muslim, dans le récit de Hudhayfa radiallahu anhu qui a dit: une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvrit sa prière nocturne avec la récitation de la sourate Al-Baqarah. Il récita longuement. J'ai alors pensé qu'il allait se mettre en recours, c'est-à-dire en génuflexion, après avoir récité 100 versets de la sourate, ce qu'il ne fit pas. Il continua ainsi à réciter. J'ai alors pensé qu'il allait prier uniquement avec la lecture de cette sourate, ce qu'il ne fit pas. Et il continua à réciter. J'ai alors pensé qu'il n'allait se mettre en recours qu'après avoir récité la sourate entièrement, ce qu'il ne fit pas. Mais il continua à réciter. Puis il commença à réciter la sourate An-Nisa, qu'il lut entièrement. Il récita ensuite la sourate Al-Imran, qu'il lut entièrement. Et il lisait lentement et clairement. Lorsqu'il récitait un verset qui évoquait la gloire d'Allah, il disait Subhanallah. Et lorsqu'il passait par un verset qui évoquait la demande de pardon, il disait Astaghfirullah. Et notre preuve dans ce récit est la fermeté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dans l'obéissance d'Allah et les efforts qu'il fournissait dans ce sens. Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: j'ai prié une nuit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il s'attardait longuement dans la récitation jusqu'à ce que me vienne à l'esprit une mauvaise pensée. Quelqu'un lui demanda alors: et qu'est-il donc venu à l'esprit? Ibn Mas'ud répondit: j'ai pensé à m'asseoir et le laisser. Cela, alors qu'il était permis à Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans cette situation, de s'asseoir à cause de la faiblesse qu'il avait ressentie. Mais c'est par respect et bonne éducation vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui resta debout malgré la fatigue. Et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, a une fois dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il nous parvient des livres provenant des juifs dont on ne sait ce qu'il est écrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commanda alors à Zayd d'apprendre le syriaque, une langue parlée par les juifs. Zayd l'a pris ainsi en 15 jours seulement. Après cela, dès qu'un message parvenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam en syriaque, Zayd ibn Thabit lui traduisait. Et lorsqu'il voulait envoyer un message à des juifs, Zayd ibn Thabit le lui écrivait. Et comme l'a dit Ibn al-Wazir, rahimahullah ta'ala, certes la présence de cause fait augmenter la force et la motivation, mais les cœurs ne sont pas pareils. On entend de la part de beaucoup de gens qui disent sur le minbar, la chair sur laquelle l'imam donne son prêche: les juifs et les chrétiens nous font du tort, ils ont dit ceci et ils ont fait cela. Et ces paroles sont justes, et cela est évoqué dans le livre d'Allah, ainsi que dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique. Mais quoi qu'il en soit, où est la fermeté dans l'attachement à la vérité, alors que la chose la plus grandiose et la plus puissante avec laquelle les muslimounes peuvent faire face aux gens du faux parmi les juifs et les chrétiens, ou d'autres que, est la fermeté et la détermination dans l'attachement au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le renforcement et le ferme état établissement dans la science du Coran et de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَمَاذَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Qu'y a-t-il donc au-delà de la vérité si ce n'est l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous en détourner? Et Allah azza wa jalla a aussi dit: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui l'anéantit, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez à un juste Allah Azza wa Jalla. Il a également dit subhanahu wa ta'ala: wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Et dit: la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala a de même dit: wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil-haqq wa ahsana tafsira. Ils ne t'apporteront rien de semblable, c'est-à-dire au Coran, sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Alors réveille-toi, ô toi l'inattentif. Voilà le vrai principe à adopter face aux gens du faux, tous réunis, à savoir l'assiduité et la régularité dans la recherche et l'étude de la science islamique, jusqu'à y être fermement établi. Et à titre d'exemple, Anas ibn Nadr, qui s'était absenté lors de la bataille de Badr, avait dit après cela: je me suis absenté lors de la première bataille que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait menée face aux polythéistes. Mais si Allah me permettait de participer à une autre bataille, Allah sera témoin de ce que j'accomplirai. Et effectivement, il montra à Allah de bonnes choses de sa part. Il l'a ainsi combattre les polythéistes. Et Saad ibn Mu'ad fut témoin de cela. Saad ibn Mu'ad raconta ainsi, je n'ai pu en faire autant que lui. Il s'est en effet jeté à l'assaut des polythéistes et les a combattus jusqu'à ce qu'il fût tué. Et on trouva plus tard sur lui plus de 80 blessures causées par des flèches, des lances et des épées. Voilà en quoi consiste la fermeté dans la religion et la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un homme, un jour, est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui prêter allégeance. Il se convertit à l'islam et lui prêta allégeance. Il partit ensuite combattre pour la cause d'Allah. Et lorsque les muslimoun procédèrent au partage du butin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à celui-ci, ceci est ta part du butin. L'homme lui rétorqua, ce n'est pas pour cela que je t'ai prêté allégeance. Je t'ai prêté allégeance pour qu'une flèche me transperce par ici et sorte par là, en montrant avec sa main son cou. Puis quand les muslimouns affrontèrent les mécréants, l'homme fut touché par une flèche à l'endroit même qu'il avait indiqué et mourut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit lorsqu'il l'eut vu transpercé par une flèche à l'endroit même qu'il leur avait indiqué, il fut véridique avec Allah dans ses propos. Alors Allah attesta sa véracité. Serviteur d'Allah, cette religion nécessite de la fermeté, de la véracité ainsi que de l'assiduité. Donc prenez garde contre la fainéantise et la paresse lors de sa mise en pratique. Et prenez garde aussi de fréquenter les gens laxistes qui ne savent pas faire la distinction entre les gens bien guidés et ceux qui sont égarés, car il n'y a pas de bien dans la fréquentation. De même que de s'asseoir avec les débauchés et les pervers, il n'y a pas de bien à les fréquenter. Et également, le fait de fréquenter des gens indécis dans leur pratique, il n'y a pas de bien à les fréquenter. Prenez garde de fréquenter ce genre de personnes. Et par Allah, le fait de fréquenter un sunni salafi fermement établi dans sa religion est meilleur pour toi que de fréquenter 1000 personnes confuses dans leur pratique de la religion, car ces derniers ne cesseront de te fatiguer et de te faire de la peine. Allah Azza wa Jalla a dit لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبتونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Si les hypocrites étaient sortis avec vous au combat, ils n'auraient fait qu'accroître la confusion et auraient assurément essayé de semer la discorde dans vos rangs, cherchant ainsi à vous diviser. Il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît très bien les injustes. Ils ont auparavant cherché à semer la dissension dans vos rangs et à embrouiller des affaires au toi Mohammed, jusqu'à ce que vint la vérité et triompha l'ordre d'Allah en dépit de leur hostilité. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.